Ce vendredi, à la vie en BD, une lecture dessinée à Québec en toutes lettres, un deuxième atelier collectif d'auteurs BD dans la capitale, et également la notion des doubles et des transfuges, du roman à la BD. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler du 9e art. Et cette semaine, un 9e art qui ne sera pas particulièrement dans la sphère des albums et sur les planches papier, mais plutôt dans les bureaux, sur la scène et dans les conférences. Alors, une édition toute particulière cette semaine, si l'on peut dire, de ce côté. En première demi-heure, on portera un regard sur un spectacle qui se prépare, auquel j'ai le plaisir de collaborer, donc mardi prochain du côté du Cercle, qui s'appelle Paroles sur image. Et également, cette discussion nous permettra d'obliquer vers d'autres événements et d'autres ateliers, d'autres activités autour de la sphère du 9e art qui sont présentées dans le cadre de l'édition 2014 du Festival Québec en toutes lettres. Également en deuxième demi-heure, donc comme je le disais, un nouvel atelier BD qui est ouvert à Québec. Alors, quatre auteurs qui sont regroupés dans Saint-Sauveur après la Chope à Bulles dans Saint-Jean-Baptiste, donc c'est le repère de Biff Tannen. Alors on aura quelques-uns des auteurs qui animent cet atelier et qui seront avec nous également. Et en fin d'émission, Michel Giguère sera de passage pour nous parler de sa prochaine rencontre des rendez-vous de la BD. Alors, un beau menu avec pas mal d'invités. Je pense qu'on va avoir pratiquement 7 personnes en studio cette semaine. Alors, ça va brasser, ça va jaser. On est bien, bien content de cela. Sinon, dans l'actualité BD, ben, quelques petits clins d'œil. Notamment, je ne sais pas si vous étiez appréciatif de la série Corto Maltese. Eh ben, il y aura donc un nouvel album près de 20 ans après la mort de son auteur et créateur Hugo Pratt. On se rappelle que dans une entrevue qu'il avait accordée à Dominique Petitfaux dans De l'autre côté de Corto en 1990, donc Hugo Pratt avait déclaré ne pas être choqué à l'idée que quelqu'un puisse un jour reprendre Corto Maltese. Eh bien, c'est tant mieux puisque, justement, les éditions Casterman ont annoncé que le célèbre aventurier va vivre une 30e aventure inédite. La dernière parue, Mu, la cité perdue, c'était en 1992. L'album va paraître en octobre 2015. Lui va être réalisé par les Espagnols Juan Díaz Canales au scénario, donc on le connaît pour Black Sad, entre autres, et Ruben Pelengero au dessin, à qui l'on doit Dieter Lumpen, un nouvel album de Corto Maltese qui va paraître simultanément en plusieurs langues. Et pour l'instant, on ne sait pas encore le titre. On sait qu'il fera froid. On sait que ça va se passer en 1915, mais pour l'instant, ce sont les seules informations qui ont coulé. Sinon, dans la sphère du manga, l'énorme succès international Naruto arrive au bout de ses aventures. Après publié dans l'hebdomadaire japonais Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha depuis novembre 1999, il y a donc 15 ans, Naruto va se terminer le 10 novembre 2014. Un shonen manga écrit et dessiné par Masashi Kishimoto qui met en scène un jeune ninja dans un monde rétro-futuriste qui compte près de 400 épisodes adaptés au fur et à mesure en dessin animé, avec des ventes quand même assez imposantes. Alors voilà, donc l'aventure se termine. Et sinon, dernier petit clin d'œil, puisqu'on est au Japon, ben on le mentionne au passage, l'école japonaise du manga Human Academy va ouvrir une filiale française à Angoulême et va l'ouvrir l'année prochaine, donc en septembre 2015. Pourquoi Angoulême, puisqu'il y avait quand même d'autres villes dans les cartes comme Rennes ou Lille? Eh ben c'est en raison de son fameux Festival international de la bande dessinée. Et donc, ça veut dire qu'Angoulême, à partir de l'année prochaine, va recevoir 40 étudiants détenteurs d'un baccalauréat qui devront débourser 5000 euros par année pour se former au manga et aux jeux vidéo. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil. En musique, cette semaine, c'est la formation Music for Money qui nous accompagne au fil de l'émission. Et on en écoute un premier extrait de leur tout dernier album Taureau, paru en avril dernier, avant de recevoir Webster, Pichier et Bach pour nous parler de paroles sur image. Mm-hmm. Et voilà, toujours sur les ondes du 89.1, La vie en BD. Et je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez réécouter des émissions qu'on vous propose comme ça de manière hebdomadaire, eh bien, c'est possible de le faire tout simplement en vous rendant sur notre blog, lavieenbd.wordpress.com. Et si vous voulez me suivre de manière un peu plus accentuée, suivre mes opinions et mes petites nouvelles, eh bien, c'est possible aussi de le faire sur mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Et tel que mentionné tout à l'heure, ben, on fait un gros menu spectacle et activités qui se prépare dans la sphère littéraire. Et dans cette sphère-là, ben, la sphère du 9e art également est intégrée. Donc, l'édition 2014 de Québec en toutes lettres qui bat son plein. Et notamment, ben, dans le cadre du festival, j'ai le plaisir, avec plusieurs collègues, de proposer un spectacle qui s'appelle Parole sur image, qui va être présenté en direct du Cercle mardi le 14 octobre prochain à 21h, qui sera par ailleurs diffusé aussi en direct ici sur les ondes du 89.1. Et pour discuter, échanger autour de l'événement qu'on propose, eh ben, j'ai invité trois de ces artisans. Alors, Bach, bonjour. Bonjour. Alors, Pichier, bonjour. Tourlou. Et Webster, bonjour. Yeah. T'as mis la barre haute, là, Néjean. Ouais. Alors, ben, peut-être premièrement, donc, Parole sur image, ça va être une lecture dessinée. Donc, l'idée est de prendre des duos, donc d'aller chercher un artiste dessinateur et un artiste écrivain et de les amener à créer ensemble, à partager un moment de création qui mènera à une lecture illustrée en direct. Donc, on lit le texte et on l'illustre de concert avec un appui musical de Nicolas Jobin et Frédéric Brunet. Qu'est-ce qui vous a peut-être accroché dans une proposition comme celle-là? Ben, pour ma part, je trouvais ça intéressant de sortir un peu de ma zone... de confort entre guillemets, où moi j'écris des chansons de 3 minutes. Là, il fallait que j'écrive une histoire de 15 minutes. Donc, c'est comme si c'était 5 chansons condensées en un seul projet, une seule œuvre. Donc, pour moi, c'était très intéressant et un peu laborieux à faire, là. Mais j'ai beaucoup apprécié. Dans mon cas, ben, je suis une habituée de la Ligue d'impro BD. Donc, bon, j'ai un peu l'habitude de dessiner sur scène. Par contre, la différence avec Parole sur image qui était intéressante, c'est que là, je pouvais prendre le temps de dessiner, vraiment m'appliquer, puis faire des illustrations un peu plus peaufinées, parce que à la Ligue BD, évidemment, on dessine en 3 secondes, puis bon, ça donne ce que ça donne. Donc, c'est ça, c'est intéressant, puis de pouvoir travailler avec un auteur qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de travailler. Moi, c'est la première fois que je travaillais avec Catherine, donc voilà. Très intéressant. Parce que t'es en duo justement, Bach, avec Catherine Dorion, Webster en duo avec Valmo. Il y a aussi Nathalie Molaison qui est en duo avec Erika Soucy. Et Pichier, toi, tu travailles avec... Nathalie Molaison, pardon, qui travaille avec Pichier. Et Erika Soucy qui travaille avec Pierre Bouchard, voilà. Oh, ben c'est bien ça. et ton côté, Pierre, qu'est-ce qui t'avait accroché dans ce défi-là? Ben moi, c'était comme de pouvoir comme... sortir un petit peu, vu que je fais beaucoup d'illustrations de livres pour enfants, je voulais comme, ben, ça m'apportait un autre genre de texte, hein, étant donné mon texte, c'est comme une histoire de jeune gay qui se découvre aux îles de la Madeleine, alors ça allait différemment d'un livre de livre pour enfants, alors d'emmener ça avec un petit peu un style enfantin, mais, il y a des scènes dans les douches, je vous dis. Et justement, en fait, on parle d'une dynamique. Je parlais des duos d'auteurs tout à l'heure. Comment ça s'est passé un peu dans les duos? Parce que, essentiellement, donc, vous êtes rencontrés au début de l'été. Ça fait déjà quelques mois que vous avez eu l'occasion de travailler ensemble, quelques rencontres. Donc, comment ça s'est passé un peu dans ces binômes-là? Ben, avec Valmo, on a développé, je trouve, une belle complicité. Tout de suite, on s'est rencontrés après les premières réunions, on est allé prendre des cafés, tout ça, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup échangé. Puis, quand je suis arrivé avec le sujet, qui était le grain de sable, qui est un peu l'histoire du premier esclave africain à Québec, tout de suite, ça l'a emballé, puis était très intéressé par le sujet. Ce que je trouvais cool, tu sais, j'étais prêt à écrire à propos de n'importe quoi, mais c'est un sujet sur lequel j'ai toujours voulu écrire. Puis Valmo était très intéressé, donc j'étais content de ça. Puis quand j'ai vu les images qu'elle a fait, ça m'a vraiment renversé, là. Je suis comme, waouh, c'est plus que ce que j'avais pu penser, tu sais. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours voulu dessiner aussi. J'ai toujours dessiné affreusement, mais c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. Puis quand je l'ai vu un peu mettre en image mes paroles, j'étais comme, waouh, c'est vraiment, comme je dirais, c'est vraiment mortel, là. Ça ajoute une dimension additionnelle à ce que tu avais imaginé juste simplement à l'écriture du texte. Ah, tout à fait. Puis ces images, ça mène tellement plus loin que ce que j'aurais pu moi-même penser à travers mes mots, là. Et du côté des dessinateurs... Dans mon cas, avec Catherine, en fait, ça a été pas de l'improvisation, mais ça a été assez rapide. En fait, on s'est rencontrés, puis rapidement, elle a pensé un peu à une idée de qu'est-ce qu'elle pourrait écrire. Puis moi, tout de suite, j'ai eu l'idée justement de dessiner sur des acétates, ce que j'ai jamais fait, mais que... Bon, hein, on se lance. puis c'est ça, par la suite, on a travaillé chacun de notre côté en se parlant de temps en temps via Facebook, hein, ce média tout à fait utile de nos jours. Puis c'est ça, puis finalement, on s'est rendu compte que nos deux styles, finalement, se marient bien, puis on s'est beaucoup amusés toutes les deux, on s'est vraiment éclatés chacun de notre, ben, dans notre travail, puis je pense que ça donne quelque chose d'assez amusant et d'assez punché. Et de ton côté, Pierre, c'est vraiment, en fait, quand on parlait de première rencontre, dans ton cas aussi, comme dans beaucoup de cas, c'est de découvrir, dans le fond, un autre artisan aussi, de se découvrir mutuellement en tant qu'artiste. Ouais, mais surtout que moi, au début, j'étais plus... c'était avec Richard Dallaire, à ce que oui, je me rappelle. Oui, qui s'est désisté. Puis là, donc, c'était... Nathalie a comme embarqué plus tard. Ça a amené comme une autre dynamique, parce qu'avec la dynamique avec Richard, ça allait être différent, plus trash. Et Nathalie, c'était un petit peu plus, je dirais, une lecture tranquille, mais avec des genres de punch, comme le vent qui souffle sur l'île de la Madeleine. C'était délicat. Mais dans le fond, faut s'adapter, faut trouver la mi-chemin entre les sensibilités, d'une certaine façon, entre les approches. Pour trouver une manière de démarrer. Donc, soit dans certains cas, c'est très naturel. Dans d'autres cas, ben, le métissage devient peut-être un peu plus surprenant. Oui, tout à fait. et qu'est-ce que... Ben, en fait, le fait, d'un côté, en fait, d'écrire avec l'illustration en tête, parce que dans ton cas, Webster, c'est un peu ta première expérience de récit illustré aussi, au bout du compte. Ouais. Donc, est-ce que ça change un peu la manière d'écrire, la manière d'aborder le travail d'écriture? De savoir qu'il va avoir le dessin? Pas nécessairement. Je te dirais, j'ai juste écrit, puis je suis une personne qui aime beaucoup imager ses écrits. Donc, quand j'écris quelque chose, j'ai une image souvent en tête où j'essaie de produire des images. Donc, en le faisant, je me suis juste dit, je vais l'écrire, puis après ça, on va voir comment elle va l'adapter. Mm-hmm. Puis elle, je pense qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup d'images aussi, puis à un moment donné, elle était comme, bon, mais il a fallu qu'elle fasse des choix un peu, qu'elle sélectionne. Mais pour moi, ça a été un peu difficile au début, parce que au début, je voulais juste écrire un texte, tout simplement. Puis, j'avais un peu de la difficulté à mettre toutes mes idées en place. Puis, c'est vraiment, j'ai réalisé que moi, j'écrivais en rime. Il faut que j'écrive en rime, il faut que j'écrive en métaphore, en comparaison, pour pouvoir faire de quoi qui se tient. Sinon, c'est juste un texte, un paragraphe comme ça. Donc, pour 15 minutes, je me disais, je savais pas où j'allais l'amener. Donc, je suis vraiment resté dans ma zone de confort, entre guillemets, où je peux écrire comme si c'était de la poésie, du rap, mais en étant moins rigide que quand je fais du rap avec la musique, où est-ce que tu as le beat, là, donc tu écris en quatre temps, tu places tes rimes, donc il y avait beaucoup moins de rigidité dans ce projet-là, parce que j'allais un peu où je voulais. Et au niveau du dessin, j'imagine qu'en fait, vous avez déjà l'expérience, Pierre, Estelle, du travail... plus d'illustration, dans le fond, donc de travailler avec un auteur, d'illustrer ces éléments. Dans votre cas, est-ce que c'est la dynamique du live, la dynamique du direct, du performatif qui est venu un peu teinter la manière dont vous avez abordé ce projet-là au niveau du dessin? Oui. Oui, parce que là, par exemple, avec Catherine, j'ai vraiment fait plus d'illustrations que j'en aurais fait dans un livre, par exemple, parce que sur scène, on veut présenter... La façon que c'est lu, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis je veux que les gens aient des images au fur et à mesure, quelque chose d'intéressant qui se dit. Donc, ça fait beaucoup de dessins. Puis aussi, dans mon cas, je me suis vraiment éclatée dans le style. Je me suis permis un style que je ferais pas dans un livre pour enfants. Donc, c'est ça, un peu s'éclater, puis voilà. Donc, de rester, en fait, dans le domaine du réalisable, mais de pouvoir, en fait, comme tu faisais le parallèle tout à l'heure avec l'impro BD, de pouvoir quand même aller plus loin. Oui, c'est ça. Ben moi, je suis allé comme ça va des illustrations que j'ai comme retravaillé, pas un cible un gros BD, mais plus des petites interprétations sur des images que j'ai imprimées sur des grandes feuilles que je vais aller faire des éléments, mais il n'y a pas de, comme, de gros dessins en direct. Mais ça va plus un peaufinage en direct. Moi, j'appelle ça du peaufinage en direct. Ouais. Et puis, ça va être une façon différente, mais je suis allé jouer avec des couleurs très flash parce que je me dis, lorsque des projections, ça va te projeter sur les murs. Puis ça, je pense, beaucoup de gens vont perdre de catacarac. Ben oui, c'est ça. Dans mon cas aussi, quand je parlais tout à l'heure d'acétate, là, je veux dire, je ferais pas d'illustration dans un livre pour enfants en acétate. Là, je veux dire, Marc, je pense qu'il y a une collection qui se fait comme ça, mais bref, c'est vraiment un autre... Si elle est à courte échelle, il n'y en aura pas. Oh. Et en même temps, il y a un plaisir aussi, justement, d'aller chercher d'autres médiums. Même, en fait, il va y avoir un certain éclatement au niveau des styles, en fait, au niveau narratif. Webster, tu parlais d'un côté plus slam, en fait, toi, Erika Soucy, qui allait être vraiment dans cette veine-là, Nathalie Molaison et Catherine, qui sont beaucoup plus dans la prose, un peu plus classique, Catherine Dorion. Côté dessin, Valmo, qui a été vraiment vers l'aquarelle. Pierre Girard Pichier, donc vers du dessin imprimé avec du retouche, du travail. Pierre Bouchard, qui va plutôt aller avec un autre Pierre type Bouchard, d'esthétique. On sait pas trop, ça va être de la performance. Hein? Oui. Puis de ton côté, avec justement de l'acétate, donc... j'imagine que ça vous donne un peu l'excuse d'explorer ou d'essayer des patentes, là, comme on disait tout à l'heure. Ah oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est très diversifié. C'est-à-dire, on prend les histoires, les sujets, les manières de les dire, puis les dessins aussi, je pense que c'est très, très diversifié. Puis les illustrations collent avec les histoires aussi. Donc, les deux fois qu'on a pratiqué ou est-ce qu'on a mis en commun tout ce qu'on a fait, je me suis vraiment éclaté là, juste à écouter. Puis, tu sais, c'est 15 minutes, mais ça passe tellement vite. Là. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment intéressant. Et puis, j'imagine que dans votre cas, il va y avoir aussi, et dans le mien, en fait, il va y avoir la surprise de découvrir avec la dimension musicale qui va s'ajouter avec des ambiances. J'ai eu l'occasion d'écouter ton texte aujourd'hui avec vraiment des ambiances, des moments musicaux. Puis, ça rajoute aussi une dimension, encore là, dans le travail, qui permet d'aller un peu plus loin dans le texte. Là. Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai écouté ce matin aussi, probablement en même temps que toi. Mais non, j'étais très satisfait de ce que Nicolas Jobin et puis Frédéric Brunet ont pu faire au niveau de l'histoire. Toutes les ambiances, les sons, les musiques. Je trouvais que ça collait beaucoup avec mon texte puis ce que j'essayais d'amener comme ambiance. Donc, j'ai bien hâte de le faire tous ensemble. Là. Et évidemment aussi, il y a la dynamique de la diffusion radio. Est-ce que c'est quelque chose qui oriente aussi dans le travail de savoir qu'il va y avoir un autre mode d'écoute dans lequel, ironiquement, il n'y aura pas le dessin d'intégrer, qui est quand même une dimension vitale à ça. Donc, ça rajoute aussi une autre couche, un défi supplémentaire à un projet qui est déjà quand même un peu périlleux au bout du compte? Ben, plus ou moins, parce que à quelque part, je pense que toutes les personnes qui ont écrit, les auteurs, sont des personnes qui écrivent tout simplement. C'est des gens qui ne dessinent pas. Donc, quand tu lis, tu n'as pas nécessairement le dessin. Parfois, oui, effectivement. Quand tu rappes, tu ne l'as pas nécessairement non plus. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va bien se retranscrire à la radio. Mm-hmm. Si, malheureusement, vos dessins ne seront pas là, on n'est pas rendu là encore. On les mettra sur Internet, là. Ouais. C'est quand la partie poche là, de l'événement? Non, c'est pas ça. Et du côté dessin aussi, ce qui frappe quand on voit, par exemple, dans le cadre de répétition ou des éléments comme ça, c'est à quel point le dessin vient d'un côté appuyer l'ambiance, puis de l'autre côté, rajoute aussi une dynamique de punch, de clin d'œil. J'imagine que ça s'ajoute aussi au défi performatif, d'une certaine façon. Vous mettez en scène votre dessin, vous mettez en scène vos interventions là-dedans. Oui, mais là, on veut, évidemment, on veut que le dessin, on veut que les gens le remarquent. Hein? Non, mais on veut supporter un peu l'image que les gens se font dans leur tête. Hein? Donc, on donne un peu une direction à leur imagination. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire, là, mais bon. Moi, j'ai trop peu de chocolat chaud et de café. Je capote bien rose quand tu parles. Mais je pense aussi, peut-être le pendant radiophonique de l'illustration, c'est que s'il y a une exposition qui suit, c'est que là, le texte, je veux dire, ça sert plus à rien, à peu près plus, tu sais. Puis à part si tu le mets, mais c'est des longs textes, tu peux pas mettre comme 15 minutes de texte sur un mur, tandis que les images... les gens vont pouvoir passer, les observer, mm-hmm. bien les avoir bien un les petit regarder. Extrait juste pour mettre mm-hmm. en situation, contexte, là, mettre ouais. en contexte. Oui, mm-hmm. je pense que ça serait bien justement qu'il y ait une petite exposition quelque part pour pouvoir faire la suite, là, ça va être image sur image. Peut-être ouais. du côté du Festival de la bande dessinée francophone de oui. Québec l'an prochain, sait-on jamais. Peut-être avant de passer sur d'autres activités de Québec en toutes lettres auxquelles vous participez, j'aimerais ça juste, on a esquissé quelques clins d'œil, mais est-ce que vous pouvez esquisser quelques grands traits de plus sur les histoires, vos trois histoires justement? Donc, pour nous donner une petite idée de l'ambiance ou de l'esprit, sans entrer dans trop de détails, évidemment. Ouais, ben, dans mon cas, par exemple, c'est un texte vraiment très humour satirique. Donc, on parle, c'est une femme de la ville de Québec qui travaille au centre-ville, donc Saint-Roch, puis qui était vraiment tendance à juger beaucoup les gens. Donc vraiment, bon, tu sais, vraiment des choses que Catherine et moi ne pensons pas, mais on s'est bien amusé à s'imaginer dans la peau de cette dame là. Donc et puis en fait elle nous apprend, elle fait une sorte de conférence sur comment crosser les gens de façon tout à fait naturelle et tout à fait assumée. Donc voilà, les gens qui veulent avoir des trucs, ça va être le moment. De ton côté, Pierre, ça nous amène donc dans le coin des îles de la Madeleine, une histoire d'amour, c'est ça? Oui, c'est une histoire d'amour de deux jeunes hommes, gars, et, dans une école secondaire, mais dans les douches. Et, Pierre, ça m'a fait des guillemets, là. Oui, on dirait Dr. Evil, là. Mais c'est comme, pour moi, c'est presque la première fois, je dois illustrer comme une histoire comme d'amour. Je n'illustre pas d'histoire d'amour. Et là, c'est justement une histoire qui va dans comment un jeune doit accepter dans une école secondaire un petit peu. Étant donné que moi, je veux dire, ayant vécu le rejet à l'école, avec la face que j'ai, là, je comprends bien. Et donc, je dois me mettre en position de un peu revivre mon état secondaire. Mais je n'ai pas vécu d'histoire comme ça dans les douches. Non. mais c'est comme un petit peu... c'est intéressant. C'est complètement différent. Puis, venez donc voir. Là. Et de ton côté, Webster, on pourrait dire à la limite que c'est un clin d'œil ou une version étendue un peu de Quebec History X. Oui, c'est un spin-off. En fait, c'est un des personnages qui apparaît dans Québec History X. Et c'est une recherche historique, en fait, parce qu'on a très peu d'informations sur cette personne qui s'appelle Olivier Lejeune, arrivé ici en 1628 avec les frères Kirk, l'esclave de Guillaume Couillard, qui va vivre et mourir ici. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Donc, j'ai tissé un peu autour qu'est-ce qui aurait pu se passer. Donc, pour moi, c'est vraiment l'histoire qui aurait pu se passer. J'ai fait de la recherche. Valmo a fait une recherche historique aussi au niveau de l'habillement, des bateaux, etc. Donc, on a essayé d'amener quelque chose qui se peut, en fait, là, qui soit une possibilité historique. Et donc, ça vous donne une petite idée de parole sur image. Je le rappelle, au Cercle, le mardi 14 octobre, à compter de 21h. C'est une proposition de Parenthèse 9 dans le cadre de Québec en toutes lettres. Et il y aura diffusion en direct également ici au 89.1 CKRL. Avant de vous laisser, Pierre Girard, petit clin d'œil peut-être à deux activités auxquelles vous participez dans le cadre de Québec en toutes lettres. Bac, tu seras de l'édition 2014 d'œuvres de chair. Oui. Voilà, tout à fait, qui va se produire à l'Hôtel Pur, samedi, et pas samedi demain, l'autre, je sais pas si c'est quoi. Et t'es en train d'organiser ta chambre d'hôtel? Ah, en tout cas, je sais pas trop! C'est un peu une surprise, mais en tout cas, je vous prépare des beaux moments. Venez me rencontrer, je vais peut-être avoir des cupcakes. OK, j'ai plus le choix d'en faire. T'as plus le choix. Et Pichier, de ton côté, les samedis 11 et 18 octobre, à 13h, à la bibliothèque Gabriel Auroi, un atelier pour jeunes, tous des super-héros. Oui. Alors, j'invite jeunes à partir de 7 ans, même un petit peu plus jeunes, si vous venez avec vos parents. C'est que vous venez comme illustrer le super-héros en vous. Vous allez le dessiner. Et moi, je vais reprendre ces dessins-là et les reproduire dans les fenêtres de la bibliothèque Gabriel Auroi. Alors, il va y avoir aussi d'autres activités. Je vais dessiner des super-héros et... je fais pas juste ça, dessiner des super-héros, mais il va y avoir toutes sortes d'affaires et des surprises pour les gens qui vont être là. Voilà. 13h30. À 13h30, donc, à la bibliothèque Gabriel Auroi, les invitations sont lancées. Webster, Pichier, Bac, merci à vous trois. Merci à vous.

Toujours à l'écoute de La Vie en BD au 89.1 CKRL. Raymond Paris au micro avec vous jusqu'à 18h30. Et je vous rappelle d'ailleurs, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, facebook.com/ La Vie en BD. Si vous voulez avoir les menus d'émission, quelques articles et nouvelles et notules autour de la sphère du 9e art. Et ben, parlant du 9e art à Québec, on l'a dit en début d'émission, on est plus dans l'événementiel, on est plus dans les endroits aussi qui animent ou qui font de la bande dessinée. Il y en a un nouvel endroit qui fait de la BD à Québec, donc un deuxième atelier collectif d'auteurs de bande dessinée qui regroupe plusieurs auteurs. Ils sont quatre à s'être réunis après donc la Shop à Bulles il y a quelques années de ça. Donc du côté de Saint-Jean-Baptiste, eh ben, les auteurs se sont réunis ici du côté de Saint-Sauveur avec un atelier qui s'appelle le Repère de Biff Tannen, qui regroupe Francis Desharnais, qui regroupe Michel Falardeau. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Valmo. Allô. Et Johan Morin. Oui, c'est moi. Alors, quatre auteurs qui se sont regroupés en atelier. Pourquoi? Pourquoi? Ben pourquoi? Ben parce que Francis et moi, en fait, ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille à la maison. Qu'on fait de la BD à la maison, puis ben on était un petit peu tanné de travailler à côté de notre lit là, fait que on était dû pour partir en atelier. On s'est parlé, on a trouvé une place en même temps. On a trouvé une place puis on a appelé, puis ça s'est fait en 2-3 jours, c'était réglé. Le repère à Biff Tannen existait. Et donc, ça s'est lancé au départ par Michel et Francis. Et Val, Johan, vous êtes arrivés par après au fil du mois d'août, au fil du mois de septembre. Qu'est-ce qui vous a amené à les rejoindre? Moi, en fait, je voulais déjà obliquer vers... Il fallait que j'utilise le mot. Je voulais déjà faire de la pige, en fait, parce que je travaillais déjà dans le domaine du jeu vidéo depuis un petit moment. Puis là, la bande dessinée, c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Fait que il y a Francis puis Michel qui m'ont approché. Disons que le timing était vraiment excellent à ce niveau-là. Fait que quand ils me l'ont proposé, j'y ai pensé un peu, mais après, j'ai fait « OK, go, je me lance. » Puis j'essaie le tout avec les gars, voir ce que ça va donner. Puis finalement, je suis vraiment pas déçue jusqu'à maintenant. J'adore vraiment ça. Oui, parce que dans le fond, toi et Johan, vous êtes passé d'à peu près un bureau de 200 employés à 4 en atelier. Ouais. Ça doit faire quand même un bon switch, si on parle d'anglicisme, là. Oui, c'est plus intime, je dirais. On peut plus se lâcher quand on peut, sinon, non, c'est pas mal. On travaille quand même beaucoup. Oui, parce que j'imagine c'est un peu, on dit souvent de la BD que c'est un métier solitaire, donc d'une certaine façon, le fait de travailler collectivement, ça permet de donner un autre rythme au travail, ou du moins de pas être juste constamment, complètement dans ce cocon-là. Juste le fait de faire son lunch le matin, ça fait vraiment une grosse différence. Moi, je veux dire, chaque le matin un peu à cette heure, puis c'est la première fois, il faut que je m'habille, il faut que je fasse mon lunch. Tous les préparatifs fait que, j'ai comme une vie, mais c'est long. Mais ça vaut vraiment le coup. Franchement, je ne retournerais plus travailler à la maison à moins de une catastrophe naturelle ou ce genre de choses-là. Là. On va appeler ça le bunker après. Le bunker de Biff Tannen. Le bunker de Biff. Puis c'est ça aussi, en même temps, en atelier, ça crée vraiment une habitude. C'est un peu, en tout cas, dans le cas de moi puis Johan, là, on n'était plus dans un bureau où, justement, il y a 200 employés. Fait que là, c'est comme, on s'en va au bureau, mais c'est un atelier, puis c'est nous autres qui décident des heures de travail. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est si, mettons, moi j'ai une question, je sais qu'ils sont là, tout de suite à côté de moi. Fait que c'est vraiment le fun aussi à ce niveau-là. As-tu une question? J'ai-tu une question? Puis en plus, dans ton cas, double avantage, dans la mesure où la BD que tu es en train de préparer, c'est scénarisé par Francis Desharnais, qui est le bureau d'à côté. Oui, c'est ça. Aussitôt que... c'est sûr que je recherche des contrats d'illustration, mais quand j'ai des temps de libre, je travaille sur la BD. Puis si j'ai des questions, Francis est à côté. Fait que c'est vraiment un lieu idéal où travailler, là, carrément, sur ça. Et est-ce que d'une certaine façon, il y a une dynamique de conseil d'échange qui est assez forte là-dedans, ou reste que vous avez quand même des styles assez différents, là, assez distincts aussi dans vos approches narratives, dans le style d'album que vous faites, etc.? Johan, let's go, Johan! C'est toi qui as une question difficile. Ouais, c'est ça, tantôt qu'il m'enlève les mots de la bouche. En fait, comme c'était dit si bien dans l'article, on n'a pas encore à se connaître un peu. Puis on a quand même, c'est vraiment une place pour travailler hors de chez soi. Donc quand on va là, c'est pas pour avoir du fun puis avoir des 4-5 breaks dans la journée. Là. Mais non, c'est vrai que notre expérience à chacun peut profiter aux autres. On n'a pas encore abusé, là, mais ça va venir. Oui, parce que d'une certaine façon, ça devient un élément de validation. Donc, si éventuellement vous vous butez à quelque chose, vous ne savez pas trop si c'est efficace ou pas, ben pas besoin de l'envoyer par courriel à quelqu'un, c'est le bureau d'à côté. Ouais, mais je dirais qu'à date, c'est beaucoup plus au niveau... c'est pas au niveau du dessin directement, parce qu'on pense bande dessinée, ben c'est sûr, on pense au dessin, mais il y a tellement d'autres facettes techniques. Je pense que c'est plus être de ce côté-là, des trucs du métier, tatatitatata. Mais au niveau du dessin, c'est pas encore arrivé. Mmh. Ça va venir éventuellement. Mais la question peut se poser de façon au niveau du scénario, au niveau du storyboard. Est-ce que ça marche, cette transition-là? J'ai cette idée-là. Est-ce que c'est niaiseux? Exactement. Ou genre, ce contrat-là, est-ce qu'il paye bien? C'est super important, ça. La réponse est toujours peut-être. Je sais pas, ça dépend. Point d'interrogation. Oui, puis en même temps, j'imagine que d'une certaine façon, ça devient aussi une étape pour vous, dans, en fait, autant ceux qui en font de leur métier depuis une dizaine d'années, comme Michel et Francis, autant ceux qui ont décidé de mettre de côté une carrière en jeu vidéo pour plonger un peu là-dedans. Mais le fait de se mettre en atelier, j'imagine que c'est OK, je me lance, puis je me lance pour vrai. Oui, c'est vraiment. C'est un engagement. C'est vraiment. Ben, c'est un engagement d'un, mais aussi, c'est comme le petit. Moi, c'est l'aspect vraiment motivation là, qui m'a kické là-dedans aussi, de savoir que... step de plus, comme ça officialise un peu ton statut d'auteur indépendant. Ça, puis là, t'es comme, bon, là, j'ai vraiment les deux pieds dedans, là. Je suis là, là. Ah, ben, même moi, qui ça faisait assez longtemps, je trouve que ça officialise, puis ça responsabilise encore plus. Je sais pas c'est quoi le prochain step, là, mais il faut de quoi de plus, là. Je m'en viens accro à ça. Il faut une autre étape, là. Alors, si vous avez des idées d'étapes... Bon, on peut sortir prendre une bière en tant qu'atelier. Je pense pas une grosse étape. Non, c'est plutôt facile. Peut-être éventuellement, on va pouvoir faire les compétitions entre ateliers là, avec la shop puis le repère. Ben, on était supposé faire un tournoi de pétanque, mais sans blague, il y a juste moi qui était au courant de l'atelier, mais la shop à bulles attend toujours... T'avais un problème d'arthrite, je pense. Mon arthrite... Et en même temps, en fait, je veux dire, à Québec, j'ai l'impression, il y a eu des ateliers d'auteurs BD il y a plusieurs années, en fait, années 90, années 80, 70 et le reste, il y en a eu quelques-uns. Là, il y a eu un coup, j'ai l'impression, pendant plusieurs années, où c'était moins actif, c'était beaucoup plus des travailleurs autonomes, des gens qui vivaient de leur métier, mais dans leur atelier. Il y a eu la shop, il y a quelques années, qui a ouvert ses portes. Vous, maintenant, vous arrivez dans le décor aussi. Est-ce que on pourrait imaginer que le fait qu'il y ait deux groupes de 4-5 auteurs qui décident, OK, on se loue un atelier, on s'installe en atelier, on officialise tout ça. C'est un bon signe, dans le fond, pour la vitalité du milieu BD à Québec? Je pense que oui, parce que le fait d'être regroupé, on en parle plus facilement, puis ça crée un buzz. Je sais pas si ça représente vraiment un changement, parce que des fois, ça peut être... moi, c'est un peu hasard, j'étais juste tanné d'être chez nous, puis j'allais me prendre un atelier tout seul. Je le dis à Francis, même affaire que moi. Donc, puis là, soudainement, ben on va chercher des gens des gens bizarres pour que ça nous coûte moins cher. Mais tu sais, c'est juste pour ça. Je pense que rapidement, ça prend pas grand chose que ça peut se créer. Puis tu sais, moi, c'est pur hasard. J'étais sûr de travailler toute ma vie à la maison. Puis je donne une ça, ça fait un bon gars. Dynamique. Mais je veux pas être négatif. Je pense quand même que ça représente un peu la dynamique. À Montréal aussi, il y a des ateliers. Mm-hmm. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est plein d'heureux hasards, des circonstances qui ont fait que... Ouais, c'est vrai. Puis je pense que tout le monde... personne ne veut faire le move en arrière. Là. On était fait pour être ensemble. J'ai l'impression, en même temps, c'est un modèle qui est très présent en Europe. Mais ici, en même temps, on commence, j'ai l'impression, à emprunter peut-être un peu aussi ce modèle-là. Avec, il y a eu pas mal de monde de Bordeaux qui sont venus au fil des années, qui, eux, travaillent en atelier. Est-ce que ça peut aussi avoir des échanges comme ça qui peuvent avoir donné le goût de vivre cette expérience-là, un peu comme eux le vivent, donc de pas juste être deux dans l'atelier, de pas être un, d'être un groupe d'auteurs? Ben, moi, la première fois que j'étais en atelier de ma vie, c'est il y a 2 ans, puis c'était à Amiens, en France, puis je me disais, oh non, je vais être obligé de travailler avec, tu sais, des amis que je vois une fois par année, je dis, oh non, je vais devoir travailler à côté d'eux autres. Puis finalement, c'est là que j'ai eu la piqûre. Je me suis rendu compte que je portais quand même à m'isoler en atelier, mais je portais à travailler 2 fois plus. Donc, je me suis dit, ça va être rentable d'endurer du monde autour de moi. Puis de votre côté, en fait, Johan, Val, dans votre cas, donc on revient beaucoup à l'expérience précédente, mais reste que c'est un peu une continuité aussi. Donc, il y a l'habitude de travailler avec un bourdonnement autour. Donc, ouais, d'en avoir un, certes, plus léger, plus humble, ouais, mais d'en avoir un quand même aussi. Ça, j'imagine que ça reste créativement important. Sinon, on focus sur d'autres choses que le travail, on focus sur la vaisselle ou... Ouais, entre autres. Moi, j'avais bien de la misère avec ça parce que j'ai essayé de travailler à partir de chez moi, mais c'est sûr que t'as beau te concentrer à vouloir travailler, mais à un moment donné, tu sais que la vaisselle est à faire, tu sais qu'il faut que tu fasses ton lavage, tu sais qu'il faut que tu ailles faire l'épicerie, mais là, tu peux vraiment en atelier te concentrer puis oublier tout ça pendant quelques heures. Johan? Moi, ça ressemble pas mal à ça. Moi, j'étais un petit peu... en fait, moi, je faisais de la BD on the side de mon ancien emploi, donc j'en faisais déjà chez moi à temps perdu. Puis là, ben, les circonstances ont fait que j'étais rendu à temps plein à faire ça, mais chez moi, c'était pas... c'était trop tentant de faire autre chose. Mm-hmm. T'sais, mon bureau était dans le salon avec la télé. Puis deux chats. Puis le divan, puis j'ai trois chats. Donc, non, ça me prenait un endroit pour... comme chacun ici, là... c'est pour vraiment juste focusser sur ça, puis quitte à endurer... Et en fait, si les gens veulent vous suivre, ils peuvent le faire d'ailleurs sur Facebook. Donc, en cherchant le repère de Biff Tannen, on tombe essentiellement sur vous. Je vous demanderais bien la signification, mais j'ai l'impression que vous allez me dire que c'est une niaiserie qui a collé finalement. Exactement. On voulait juste pas un jeu de mots avec un terme de la bande dessinée. Donc, ça a collé là-dessus. Et sinon, peut-être en terminant, sur quoi vous êtes en train de travailler en quelques mots, Val? C'est ça, présentement, je suis en train de finaliser Paroles sur image, en fait, qui, tu as eu une entrevue avec Ali avec qui je vais travailler pour ce projet-là, fait que c'est pas mal ça ces temps-ci. Johan? Moi, je viens de terminer, il y a quelques semaines à peine, le tome 3 de Biodome, qui devrait sortir à la fin du mois. Donc, c'est ça. Donc, l'espèce de lancement non officiel, ce sera au Salon du Livre de Montréal fin novembre. Je travaille sur le tome 2 du Domaine Grilloire à sortir en 2015, le tome 1 aussi. Sinon, Vincent Bernier, des questions, des réponses. Ma première autopublication pour le Comic-Con de Québec dans 2 semaines. Alors, on continue de suivre tout ça et on découvre tout ça bientôt au fil des mois du côté des librairies ou des événements à saveur BD. Alors, ben, Johan Morin, Michel Falardeau, Valmo, merci à vous trois. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on repart avec un petit extrait musical de Music for Money. Et au retour, Michel Giguère. Alors voilà, petit extrait de la formation Music for Money tiré de leur album Taureau. Vous êtes toujours sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier avec vous et maintenant Raymond Poirier en compagnie de Michel Giguère. Bonjour. Salut Raymond Poirier. Ça va bien? Ça va bien. Et Michel, en fait, on parlait en première demi-heure de Québec en toutes lettres, plusieurs activités à tangente BD. Il y en a une dont on n'a pas parlé puisque tu allais être avec nous pour en discuter in extenso. S'il ne faut en voir qu'une, c'est celle-là. Moi, j'irais deux quand même. Il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. Mais blague à part, Michel, la thématique du festival 2014, c'est l'idée du double, l'idée donc des transpositions d'une certaine façon, des transfuges dans ton cas. C'est de la façon dont tu l'as interprété. Et on devine évidemment qu'il s'agit d'œuvres littéraires transposées en BD, donc une thématique liée à celle du festival. Ouais, ben c'est sûr que bon, moi, mon activité s'intègre à chaque année depuis 5 ans dans la programmation du festival. J'essaie de trouver un angle pertinent. Et la première idée qui nous vient, ben, c'est de présenter les innombrables BDistes qui, d'Hergé à Leftand, ont fait carrière sous un pseudonyme. Mmh. Sauf que une fois que t'as dit que Hergé, c'est les initiales de Georges Rémy à l'envers, c'est jamais des anecdotes intéressantes. En fait, au bout du compte. Là. Et que quoi que Leftand, quand même, qui est pas un nom scandinave, mais qui est la traduction anglaise de main gauche, depuis qu'Éric Asselin s'est mis à dessiner de la main gauche. Alors, quand t'as dit ça, ben, il reste une interminable nomenclature un peu ennuyante là, de noms. Par ailleurs, j'aurais pas fait beaucoup de millage non plus autour du mystérieux Frantico, si on se souvient. En 2005, il avait fait jaser avec son blog supposément autobiographique et parfois provocateur. Est-ce qu'il s'agissait de Trondheim ou pas Trondheim, ou alors Trondheim avec des complices? Le débat n'est toujours pas clos. Et en passant, juste Lewis Trondheim, c'est déjà un pseudo, en fait. Tout ça pour dire que finalement, j'ai décidé de considérer le thème dans une optique plus large. Le double, la dualité, ça peut être aussi la double existence d'un récit qui existe sous deux formes. Ça peut être une œuvre littéraire qui s'offre une seconde vie en étant mise en image et qui, ce faisant, ben, rejoint un autre lectorat. Et j'imagine que le défi dans ce cas-là, Michel, en fait, si j'essaie de me mettre à ta place, c'est d'avoir l'impression, en choisissant ce thème-là, qu'on est face à un monstre, je veux dire, des BD qui adaptent des romans, qui adaptent d'autres types de récits. Il y en a des masses, ouais. Là, il y en a beaucoup. Ce que les auditeurs peuvent pas savoir, c'est que là, je te parle au micro, là. j'ai l'air frais et dispo, détendu. Je suis en nage parce que je suis venu ici à la course parce que j'étais justement en train de préparer ça. Je suis pas face à un monstre, je suis à l'intérieur du monstre, je suis dans un monstre. C'est monstre. C'est Jonas dans sa baleine. C'est monstre. Ben, Moby Dick d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs versions de Moby Dick, là. En tout cas, tellement que dès le départ, c'était clair que j'écartais les recueils de poèmes, les chansons, les pièces de théâtre, parce que oui, il y en a beaucoup, pour conserver seulement les romans et les nouvelles. Seulement étant une façon de parler, parce que même à ça, je me suis retrouvé enterré par des albums à lire ou à relire. Alors j'ai beau en fait circonscrire le thème, je me fais prendre à chaque fois. En fait, on dirait que la croissance du marché de la production est telle que depuis 25 ans, là, à peu près, que c'est toujours en train de grossir justement le monstre. Eh ben, peu importe le genre, peu importe le sujet qu'on choisit, il y a assurément une surabondance de titres. Oui, puis tu parles des 25 dernières années où il y a eu explosion de la publication, des publications BD, mais même avant, ça c'est pas d'hier non plus qu'on essaie d'adapter la littérature en BD. Là. C'est drôle que tu dises ce n'est pas d'hier parce que ça va devenir un running gag, mais j'ai un écran comme un intertitre là, qui s'appelle Ce n'est pas d'hier. Et là, je rappelle toujours aux gens qu'on réinvente pas la roue. Hein. Sauf qu'au début, c'était essentiellement des classiques populaires comme Jules Verne, Stevenson, Dumas. Et sur le plan éditorial, il y avait là, selon moi, une volonté d'utiliser la BD comme passerelle vers la littérature, et en fait surtout pour les jeunes lecteurs. Sur le plan formel, il s'agissait généralement d'espèces de résumés des romans. Plus ou moins intéressant en général. Alors, sur les deux plans, formel et éditorial, il y a encore un peu de ça aujourd'hui. J'en prends pour preuve la section du site des éditions Delcourt qui propose à l'usage des enseignants des dossiers pédagogiques avec des pistes d'analyse là, des titres de leur collection Ex Libris qui est consacrée à des adaptations d'œuvres littéraires. Des adaptations au demeurant qui sont inégales comme dans toute collection. Là. Mmh. Moi, j'ai beaucoup apprécié Dr. Jekyll, La Métamorphose d'après Kafka et Le Portrait de Dorian Gray, Tartarin de Tarascon aussi. Donc, on sent encore ce désir d'introduire les jeunes aux grandes œuvres. Mmh. Il y a encore de ça, mais il y a aussi plus que ça, et ça, ça devient très intéressant, c'est que depuis des années, il y a des transpositions qui, on sent que c'est engendré par l'envie de tel ou tel bédéiste de proposer son interprétation. Oui, entre guillemets, ça dépasse la démarche éducative, la démarche pédagogique. Ça devient une démarche vraiment artistique. Pleinement artistique, créatrice, avec une envie de s'approprier cette œuvre-là. Donc, il y a plein d'adaptations des 20 dernières années qui se destinent pas en tout à des adolescents, mais à des adultes. Et bien souvent, des lecteurs confirmés, là, des lecteurs avisés avec des récits assez exigeants. Et j'ai presque envie de dire que c'est le moment de la chronique, Michel, où on sort nos crayons en route vers la rencontre qui aura lieu mercredi prochain à 19h à la bibliothèque Gabriel Auroi. Est-ce que tu as peut-être des titres à nous fournir dans justement ces adaptations relevées, là, à la limite les incontournables dans les lectures que tu as faites au fil des derniers mois? Écoute, en vrac, parce que je dois être en train de... J'ai dû ramasser à peu près 500 titres différents là, qui sont amassés dans le bureau puis chez moi. Là. Le magistral Cité de verre de Mazzucchelli, d'après Paul Auster. L'hypnotisant L'invention de Morel de Jean-Pierre Mouret, d'après Adolfo Bios Casares. Pardon. Le puissant L'attentat de Dauvilliers avec Chaperon au dessin, d'après le roman à succès de Yasmina Kadra. La déroutante version du Dr Jekyll de Kramsky et Matotti, parce que je dis... C'est une version parmi d'autres, il y en a plusieurs. Et en fait, même le Peter Pan de Loisel, en fait, à vrai dire, toute adaptation d'une histoire, ou des fois même l'extension, tu sais, c'est comme Peter Pan, c'est comme on part d'une œuvre et puis on l'amène ailleurs, soit on ouvre d'autres portes ou on donne certaines clés. Donc, toute adaptation d'une histoire par un créateur qui maîtrise son médium, en l'occurrence la BD, puis qui la transpose vraiment, la transpose pour la restituer autrement, eh ben, je trouve que ça se justifie et ça devient vraiment digne d'intérêt. Là. Et on entend souvent les gens dire aussi au sortir du cinéma, de dire en fait que bon, le film va moins loin que le livre quand c'est une adaptation cinématographique d'un livre, qu'on est mieux de lire la version originale, etc., etc., qu'il manque plein d'éléments par rapport au livre. Est-ce que c'est un peu la même chose en BD parfois ou souvent? On entend tellement ça. Le mot-clé dans ce que je disais à l'instant, là, c'est « autrement ». Fait que quelqu'un qui aborde deux versions d'une même histoire avec l'attente d'y retrouver la même chose, c'est un non-sens. Évidemment, il y a des adaptations qui sont sans intérêt, là, mais le plus souvent, la raison en est que ça apporte justement rien d'autre, rien de plus. Fait qu'il faut, selon moi, non seulement accepter, mais souhaiter que la transposition va offrir autre chose, un autre rythme, un autre langage, une vision qui est propre à un autre artiste conteur, avec ce que ça implique de scènes escamotées, ce qu'on reproche souvent, là, de passages sacrifiés, de segments qui sont contractés, de personnages qui sont écartés, ou alors deux de tout ça là, qui sont fondus en un seul. Et parallèlement, en fait, en terminant, le sujet est quand même assez riche, mais j'ai envie qu'on dise deux mots sur l'autre moitié de l'intitulé de ta présentation. On parlait aussi de transfuge. Alors, de quoi parle-t-on quand on dit transfuge en BD? Ouais, c'est ça. C'est pas des gens du Bloc communiste qui passent à l'Ouest, là. C'est des romanciers ou des nouvellistes qui sont passés à la scénarisation de BD. Ce phénomène-là date pas d'hier, lui non plus. La première adaptation que j'ai recensée, ça serait Tarzan d'Harold Foster d'après Edgar Rice Burroughs. Eh bien, le premier transfuge, lui, serait également un Américain de la même époque de l'âge d'or de la BD américaine, soit Dashiell Hammett, un des grands pionniers du roman noir qui a créé l'agent X9 pour le non moins grand Alex Raymond. Alors, ça va rappeler des souvenirs aux plus vieux. Et il y a bien d'autres écrivains qui ont suivi. Certains parce que leur roman avait auparavant été transposé, puis ça leur a comme donné le goût de créer un scénario original pour la BD après. Il y en a d'autres parce que tel dessinateur ou tel éditeur sont carrément allés les chercher en leur demandant « Veux-tu nous raconter une histoire pour un projet de BD? » Il y en a d'autres encore par envie d'explorer une nouvelle manière de raconter. Et bien souvent, j'ai réalisé en lisant là-dessus que c'est le facteur humain qui joue beaucoup, le contact de personne à personne. Et peut-être quelques noms, un petit inventaire? Ah ben, deux amis dans la vie, Daniel Pennac avec Tonino Benacquista, mais ce dernier a été beaucoup plus productif là, en BD. Il faut pas oublier qu'avant de devenir un millionnaire de la bande dessinée, Jean Vanham a été romancier. L'Argo Winch, c'était des romans initialement. L'Américain Jérôme Charin, qui a été adapté puis qui a écrit plusieurs scénarios originaux. Bernard Werber, les fourmis, les thanatologues, tout ça. Frédéric Beigbeder. Et puis, quelques noms importants du polar francophone, Jean-Patrick Manchette, Didier Deninx, Marc Villard, Maud Tabachnik, beaucoup, beaucoup de polars. Et au Québec, ben Stéphane Dompierre, India Desjardins, Caroline Allard avec son blog, qui est passé à la BD après coup. Et dans les années à venir, d'après moi, il va en avoir encore beaucoup. Oh oui, en fait, au fur et à mesure que la BD prend plus de place et plus de gens qui ont envie d'essayer ou faire le saut, ben voilà, enfin, on ira découvrir avec toi les récits qui ont fait le saut et les auteurs qui l'ont fait en partie, évidemment. J'imagine qu'on met ça dans ta liste d'éventuellement faire des parties 2 aussi. Et d'ici là. Oui, malheureusement. Et d'ici là, donc, mercredi 15 octobre à 19h à la bibliothèque Gabriel Roy. Alors, on se présente tout simplement, l'entrée libre. On arrive, on s'assoit et on profite de 90 minutes en ta compagnie. Alors, Michel Giguère, nous, on se dit au, à mercredi et ensuite au mois prochain. Super. Et nous, chers auditeurs, on se dit à la semaine prochaine. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Et la semaine prochaine, ben, plusieurs rencontres à l'horaire comme à l'habitude. Alors, on vous invite à nous suivre sur Facebook ou ailleurs pour en savoir un peu plus. Mais d'ici là, passez une très bonne fin de semaine sur les ondes du 89.1. Dans quelques instants, Michel Monette avec Swing Out.